Chapitre 24e. Les enfants de l'Aveyron. « T'es, Antonin !» s'écria Clafou joyeusement. « Antonin et Gustave, t'es, comment ça va ?» Clafou tendait par-dessus son comptoir des teints de bras énormes et poilus, émergeant des manches de chemise retroussées au coude. Au bout de ses bras, des mains formidablement larges, osseuses, dont les doigts devaient former étau. Antonin et Gustave posèrent avec confiance et cordialement chacun une main dans ses serres terrifiantes, rendirent le salut, et la conversation s'engagea entre les trois hommes. « Qu'est-ce que je vais vous servir ?» demanda Clafou. « On va trinquer ensemble ? Y a-t-il longtemps là qu'on ne s'est pas vu ? Ça me fait un plaisir. » Clafou tenait, boulevard de la Chapelle, un dépit de boisson connu dans tout le quartier. Depuis une douzaine d'années, il dirigeait son établissement, aux enfants de l'Aveyron, et bien qu'on prétendît que depuis longtemps il avait fait fortune et qu'il pourrait se retirer, s'il lui plaisait, dans son pays, Clafou demeurait derrière son comptoir et versait ses consommations, jouait aux zanzibars, et donnait son opinion toujours écoutée sur les divers événements du jour, politiques et autres, policiers ou même mondains. Parfois aussi il assénait quelques coups de poing, encore mieux entendus et plus décisifs, car on emportait généralement très endommagé celui qui n'était pas de son avis. La clientèle du débit respectait cette force, vénérait ses mains, véritable massue, et tenait Clafou en très haute considération, en sincère estime. Clafou était le meilleur homme du monde et nulle part la mominette n'était plus épaisse que chez lui. Par gardant, c'était du bon qu'il servait, du premier choix qui raclait dur en passant et qui cassait ferme la tête. On avait son compte, et son vieux mar de l'Aveyron jouissait d'une réputation triomphale sur les boulevards extérieurs. Puis il connaissait son monde. Quand il honorait quelqu'un de son estime précieuse, ce quelqu'un pouvait lui dire « Clafou, gardez-moi ça. »« C'est bon, mon garçon !» répondait alors Clafou. Ce « chez bon, mon garçon » valait tous les brevets de loyauté parmi la clientèle. Celui qui avait crédit chez Clafou avait le droit de lever le front dans le quartier et de prendre partout sans payer. Seulement Clafou n'oubliait jamais de réclamer le dû. Parfois, souvent, peut-être bien à chaque fois, il augmentait quelque peu le nombre des consommations prises à crédit et réglées à la paye. Mais il ne fallait pas en faire la moindre objection. Clafou aurait une autre fois refusé le crédit et tous les marchands du quartier eussent fait de même. Alors, pas moyen de boire sans payer comptant. Impossible de vivre. Quant aux contestations, Clafou ne les admettait pas. Pas plus que les batailles chez lui. On pouvait tout faire, boire, s'enivrer, jouer aux cartes, crier, hurler, se chamailler, tout ça, parfait. Mais dès le premier coup de poing, Clafou sortait de son comptoir, il tapait dans le tas, sur les deux adversaires, les empoignait par le cou et les jetait dehors, tout simplement. Cela était absolument nécessaire. Il tenait à ce que sa maison conservât sa dignité, sa tranquillité et son allure familiale. En effet, le débit des enfants de l'Aveyron ne consistait pas seulement dans les deux salles que l'on apercevait en enfilade en passant sur le boulevard de la Chapelle. Après ces deux salles, dont la dernière avait un billard, se trouvait une salle de danse. Deux fois par semaine, il y avait bal musette. La clientèle de ce bal était des plus bizarres. Ce n'est qu'à Paris qu'on peut rencontrer ce mélange sans trouble, cette promiscuité sans compromis. Les filles du boulevard et leurs seigneurs y venaient dans des valses langoureuses affirmer leur amour tendre avant d'aller faire ailleurs un mauvais coup ou se livrer à leur joli métier. Les souteneurs, les gringes, tous ceux qui vivent du mal, du crime, y paraissaient. Mais il y venait aussi des amis de Clafou, des compatriotes. Ces braves gens, travaillant dans la maçonnerie, le bâtiment, s'y montraient avec leurs femmes, leurs enfants. Les jeunes gens, très simplement, les fiancés, y dansaient au son d'un violon aigu et d'une musette qu'accompagnait un piano les soirs de gala. Clafou avait des principes. Il ne supportait chez lui aucune danse indécente tant qu'il y avait là une famille. Après, on pouvait se rattraper. Et d'ailleurs, jamais n'éclata le moindre scandale. Jamais, entre ces deux mondes, n'eut lieu le plus petit accroc. Tous ces gens se connaissaient et se tenaient à leur place, sans mépris d'un côté, sans haine de l'autre. Les rôdeurs pouvaient dire le nom des jeunes filles et l'atelier où elles travaillaient. Les jeunes filles savaient également comment s'appelaient ceux qui les frôlaient en dansant, avec qui ils étaient. Les filles leur disaient « Pardon, mademoiselle ou madame » et changeaient un sourire. Mais sorties de là, c'était fini. Dans la rue, pendant la journée, ces mêmes femmes se rencontrant ne se voyaient pas, ne se connaissaient plus. Seulement, Tous ces braves gens de l'Aveyron, simples, francs, devenaient sacrés aux yeux des pires clients de Clafou. Il était convenu que jamais on ne toucherait aux amis de Clafou, que jamais on ne les attaquerait, dévaliserait ou dégringolerait. Et si parfois, ce qui était d'ailleurs rare, un de ces braves pères de famille cédait au charme excitant, au poivre d'une de ces danseuses en cheveux, cela demeurait secret, nul ne devait le révéler et provoquer une scène de ménage. Quant aux jeunes filles, on leur devait le respect absolu. Clafou aurait assommé celui qui eût manqué à ses conventions et élu, sans espoir de pardon, fermé sa maison au coupable. Or, ce lieu de rendez-vous était, pour ainsi dire, indispensable à ces gens. Ils se réunissaient chez Clafou, s'y retrouvaient, se donnaient des nouvelles, s'entendaient. Là, sûrs de Clafou, se connaissant les uns les autres, certains que Clafou n'admettait chez lui personne dont il ne répondait, personne de douteux, ou qui pût causer un ennui quelconque à un de ses clients, ces gens dont la vie dépendait du hasard, ne consistaient qu'à préparer un coup et à en redouter les conséquences, ces souteneurs attendant leur maîtresse, ces bandits guettant leur propice ou se cachant, ne pouvant se passer de ce refuge, de cet abri, de ce secours. Ils étaient là chez eux, mieux que chez eux. Que de fois Clafou, bon et brave homme, qui au fond aimait beaucoup sa clientèle spéciale, avait tiré le malandrin compromis d'un mauvais pas, l'avait caché, gardé, nourri, sauvé. Jamais chez Clafou une arrestation n'avait été opérée. Cela ne veut pas dire que, hors du débit des enfants de l'Aveyron, on n'ait pas mis la main au collet de nombreux clients de Clafou. Chez lui, jamais. Au dehors, il ne répondait de rien. Clafou faisait tout pour sauver son client, mais si celui-ci se faisait prendre, c'était un maladroit, un sans-veine, même quand cette arrestation semblait inattendue, surprenante, incompréhensible. Clafou la regrettait, mais déclarait avoir fait son possible pour sauver l'homme. On le croyait, et forcément sa clientèle lui demeurait fidèle. Aussi, quand il accueillait des amis comme cet Antonin et ce Gustave, qu'il leur souhaitait avec son tonnerre de voix et son terrible accent limousin un si affectueux bonjour, les clients n'avaient pas à bouger. Ils pouvaient poursuivre tranquillement leur partie de cartes ou parler de leurs petites affaires. Clafou, c'était un grand honneur qu'il faisait à ses clients, quitta son comptoir laissant au garçon le soin de veiller sur le zinc, et ayant pris dans ses énormes mains une bouteille de vieux mar de l'Aveyron et trois verres, il vint s'asseoir à la table autour de laquelle ses amis avaient pris place. La conversation commença. « Comment ai-je fait que depuis si longtemps je ne vous ai pas vu ni l'un ni l'autre ?»« En voyage, très probablement. J'avais un peu les affaires. À vous de chanter. » Les verres se choquèrent et la conversation s'engagea. Les trois hommes parlèrent de choses et d'autres, du pays, du plâtre, des nouvelles maisons qu'on élevait et des trous dont on dotait toutes les rues de Paris. « C'est le beau temps pour nous, des rues défonchées, des palissades, ça va. » Mais brusquement, Antonin, choquant encore son verre à celui de Clafou, lui dit tout bas « À la mort. » Clafou répondit de même « À la vie. » Les trois amis alors silencieusement dégustèrent leur verre de vieux mar de l'Aveyron. Ces deux mots, « À la mort, à la vie », que les amis venaient d'échanger mystérieusement comme un mot de passe, un mot de ralliement, était une des plaisanteries classiques de l'ancien mélo des théâtres du boulevard du crime. Quand le héros du drame s'écriait « Je suis à toi jusques à la vie », les autres répondaient « Moi à la mort ». Et l'on se disait par abréviation « à la vie, à la mort ». Les trois amis, après avoir échangé ces mots et bu leur verre de vieux mar, reprirent leur conversation une minute interrompue. Ils se remirent à parler construction, bâtisse en ciment, en pierre, en plâtre. Clafou entama une discussion sur le verre armé, dont il venait de faire poser des feuilles à un bassistas. Généralement, on met du verre simple et un grillage. Bon, mais quand le verre cache, les petits morceaux, ils tombent sur la tête des janches. Tandis que le verre armé, il a son grillage dedans. Alors, quand il se cache, les petits morceaux sont retenus, et on peut dormir tranquille de chou. La conversation aurait pu durer infiniment sur ce sujet palpitant. Mais à la table toute voisine de celle où se trouvaient Clafou et ses amis, vinrent s'asseoir de nouveaux consommateurs que Clafou connaissait car il leur dit bonjour. Puis le mastroquet, pris par les exigences de son comptoir, se leva, trinqua une dernière fois avec ses amis et s'éloigna en leur disant « Vous allez faire un tour à la chale de Danche, bon, on se reverra. » Le garçon, pendant ce temps, s'était approché de la table des deux nouveaux venus. « Qu'est-ce que ce sera ?» leur demanda-t-il selon l'habitude des débits populaires. Les clients firent leurs commandes et tout en parlant envoyèrent de la main un bonjour à d'autres clients qui jouaient aux cartes dans le fond de la salle en criant sur un ton faubourien « Salut !» Le geste qu'ils firent traça dans l'air une sorte de zigzag auquel répondit de même la main des camarades qui rendirent le salut de la même façon canaille « Salut !» Or, ses amis, en prononçant ce mot avec l'accent gras des faubourgs, des boulevards extérieurs, des fortifs, appuyaient fortement sur le S qui commençait le mot et lui donnait la valeur d'un Z. Il disait plutôt « Salut !» Comme le garçon déposait les bocs demandés sur la table, l'un d'eux s'écria en manière de plaisanterie « Tu leur y en as mis, des faux-cols ?» Il insista sur cette liaison dangereuse « Leur y en a mis !» Prenant son verre de bière, cet homme, comme voulant en essuyer le fond, le frotta sur la table. Dans le mouvement qu'il fit, tout en regardant ses voisins, les deux amis Antonin et Gustave, il porta d'abord la main à gauche, la ramena à droite, la descendit, revenant vers la gauche, et la reportant une seconde fois à droite où il l'arrêta. En somme, il venait de tracer avec son verre un grand Z sur la table. Son compagnon fit de même. Antonin et Gustave, avec leur petit verre de vieux marc d'Aveyron, tracèrent devant eux, à leur tour, le même signe. Alors les deux consommateurs parurent plus à leur aise. Ils se mirent à parler de courses, de chevaux, de leurs diverses petites affaires. Cependant, le bal continuait à envoyer les airs de ses valses et polkas. Antonin et Gustave se levèrent. « On va danser, » dirent-ils à Clafou. « Chécha, » répondit le mastroquet, « à tout à l'heure. » En traversant la salle du fond où se trouvaient les joueurs de manie, Antonin et Gustave les entendirent qui, jetant vivement un regard de leur côté, disaient en abattant les cartes « C'est à moi, affaire ? Oui, c'est à toi. » Ceux qui entouraient les joueurs ne disent rien. Mais les uns, avec leurs cigarettes au bout des doigts comme pour faire tomber la cendre, les autres, en prenant leur verre, traçaient des signes qui tous rappelaient le Z. Antonin et Gustave prirent grand plaisir à voir valser les jeunes femmes et les jeunes filles. Ils firent le tour de la salle. Un groupe de gens, paraissant des plus heureux, attira leur attention spécialement. Autour de la table, le père, la mère, une fillette, un garçonnet, puis une jeune fille de 18 ans environ et un jeune homme de 24 ou 26. Le garçonnet et la fillette, frère et sœur, venaient de danser la polka et regagner la table de leurs parents, rouges de plaisir, un peu en sueur, ce qui ne les empêcha pas d'aller tendre leur bonjour affectueusement aux auteurs de leur jour. Mais l'orchestre commença une valse. La jeune fille se leva ainsi que le jeune homme. « Encore ?» fit le père d'une voix qui voulait se montrer grondeuse. « Encore ? Mais mes enfants, ce n'est pas raisonnable. »« Bon, laisse-les, va, Arsène, » dit la mère. « Laisse-les s'amuser, ces enfants. »« Bon, bon. Mais vous m'entendez ? J'ai l'œil sur toi. Garnement est sur ta cousine. » Mais les jeunes gens tournaient déjà, et les parents heureux les admiraient, partageaient leur joie. La mère, une bonne grosse maman, les mains rouges de ménagère sur son ventre, se tenait appuyée au dossier de sa chaise, un peu étroite pour sa corpulence. Le père, un contremaître maçon sans doute, une bonne tête encadrée de barbe blanche que ses enfants, en l'embrassant, avaient mise en broussaille. Un chapeau mou sur ses cheveux, l'air bonhomme, portant une sorte de jaquette et un gilet retenu seulement par un bouton, et qui laissait voir une chemise à raies de couleur sur laquelle, au cou, flottait une cravate commune aux nœuds tout faits. De grosses mains calleuses qui avaient manœuvré l'outil, l'estomac épanoui après un copieux dîner de dimanche dans quelques restaurants à prix fixe du quartier, une pipe en bois aux dents. Antonin regarda ce groupe, puis, se penchant à l'oreille de Gustave, il dit, en désignant le brave homme, « Ne le perds pas de vue, c'est le baron Dupont. » Antonin se glissa dans la foule, abandonnant Gustave, et peu après, il quittait la salle de bal. Mais il ne passa pas cette fois par la salle du café. Il se glissa par un étroit corridor donnant sur une petite cour. Là, un homme vêtu comme ceux qui emplissaient l'établissement du père Clafou sortit de la pénombre produite par un angle du mur. « On peut y aller, » dit-il simplement à Antonin. « Bon, va retrouver Gustave. »